Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Lebovitch, par Gérard Haddad. On sait sans doute que dans le monde de la psychanalyse, Gérard Haddad représente l'une des personnes les plus originales. Sans aucun doute parce que, élève de Lacan, psychanalysé par Lacan, c'est l'un de ceux qui ne se contente pas de réciter les textes sacrés des pères fondateurs, mais qui réfléchit par lui-même et qui mène son aventure singulière. Il l'avait déjà rapporté dans ce livre qui s'intitulait « Le jour où Lacan m'a adopté ». Il l'a raconté aussi au micro même des vivants et des dieux. Mais essayant de trouver quels sont les points d'arrêt, quels sont ce que j'appellerais les points de butée, de la pensée de Lacan, on voit très bien comment il a essayé de le dépasser. Il a essayé de le dépasser à travers ce qui est son héritage propre, c'est-à-dire l'héritage judaïque, et particulièrement à travers la leçon de Maïmonide. Et c'est ainsi que Gérard Haddad a découvert la figure de Yeshua, ou de Isaïe Leibovitch, qui vivait en Israël, un intellectuel de la seconde moitié du XXe siècle, à la traduction de qui il s'est consacré depuis maintenant des années. Et à travers la figure de Leibovitch, on voit très bien comment c'est une certaine fonction prophétique, c'est une certaine fonction de la parole que Gérard Haddad a découvert, à travers laquelle d'ailleurs il ne s'agit pas de trahir Lacan, mais beaucoup plus de le dépasser afin de trouver une radicalité du grand autre, c'est-à-dire de ce que, dans les textes d'Israël, on appelle Dieu, Yahweh, ou Adonai, ou Elohim, celui qui est le divin dans tous ses aspects, et un grand autre qui oblige au sens le plus ancien, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire qui est une obligation morale, une obligation éthique à prendre position devant le monde tel qu'il est, même si on sait très bien qu'il y a quelque chose du vide qui est au centre de tout. Lebovitch a été une rencontre décisive, bien que tardive, dans mon existence. Un moment où je rencontrais un certain marasme intellectuel dans lequel nous avait laissé la mort de Lacan, les événements qui ont suivi, et certaines difficultés de me retrouver entre une adhésion à certaines valeurs du judaïsme et une situation politique au Moyen-Orient. Et la rencontre a été vraiment inattendue, bien que le personnage m'était connu. Alors Lebovitch, qui c'était déjà ? Lebovitch, c'est un personnage hors norme, sur tous les plans. À l'origine, c'était surtout un médecin, professeur de biochimie. Ce n'est pas un clinicien, c'est un chercheur. Mais en même temps, c'était un homme d'une très grande foi religieuse. Et en même temps, un libre penseur comme je n'en ai jamais connu. Sur le plan politique, par exemple, il a pris des positions. Par exemple, en 67, au moment de la guerre des Six Jours, quand tous les intellectuels et autres juifs s'excitaient sur cette victoire extraordinaire, messianique. Il a eu une phrase incroyable dans laquelle il dit « Cette victoire militaire est la plus grande désastre de l'histoire juive depuis Auschwitz ». C'est une position qui est un peu antipathique, vue de loin. Et puis l'expérience, les lectures m'ont amené à me rapprocher de lui. Je dirais même que ça a été une espèce de coup de foudre. Ce coup de foudre, en fait, est un double détente. En vérité, au départ, moi, dans ce marasme que j'évoquais tout à l'heure, le salut intellectuel, en quelque sorte, m'est venu de la découverte d'un penseur juif qui me sert de référence aujourd'hui, qui est Maïmonide, grand médiéviste, grand philosophe du Moyen-Âge, et pourtant qui m'est apparu un jour, un tournant de ma vie, comme étant d'une actualité. Or, il se trouve que ce Maïmonide est la référence absolue de Leibowitz. Leibowitz ne peut pas prononcer trois phrases sans se référer à ce qu'il appelle notre maître. Chez Maïmonide, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucun chauvinisme, il n'y a aucun patriotisme, il n'y a aucune superstition, il y a cette espèce d'ouverture à l'autre totale, à la pensée des autres nations, des autres peuples, en particulier grecs. Donc voilà comment ça s'est fait. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette parole, parce que bon, physiquement, il avait un physique spécial, hein, une espèce de tête d'aigle comme ça, bon. Mais cette maigreur de l'ascète, parce que c'était un ascète aussi, bon. Il avait calqué sa vie sur celle de Maïmonide, bizarrement. Il prenait un seul repas par jour, à 4 heures de l'après-midi, comme Maïmonide le raconte dans une lettre à Ibn Tibbon. Quand je l'ai vu, quelque chose en moi s'est unifié, si vous voulez. Il n'y avait plus les Ashkénazes, les Séfarades, les Juifs, les pas Juifs, les Israéliens, les pas Israéliens. J'avais devant moi, excusez-moi, je vais vous le dire brutalement, un nouveau prophète d'Israël. C'était Isaïe qui revenait, pour moi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. C'était Isaïe, c'était Jérémie, quoi. C'était cette parole de feu. J'en ai pas connu d'autres. Même là, quand il n'avait pas cette parole foudroyante. 300 enfants nous avons tués, c'était sa phrase, palestinien. C'est une tache sur nous qui ne s'effacera jamais. Il m'avait dit ça, je lisais la Bible, quoi. C'était Jérémie qui parlait, quoi. C'était Amos, je sais pas moi, Osée, enfin, tous ces grands noms du patrimoine biblique. Donc voilà, je suis sorti de là, j'avais compris, quoi. Je me suis réveillé, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Bah, malheureusement, continue. Mais moi, je continue plus, quoi. J'ai plus continué. Il y a quelque chose qui frappe tout de suite dans ce que vous dites, Gérard Haddad. C'est la référence de Leibowitz à Maïmonide, dans la mesure où, lorsqu'on revient à Maïmonide, au guide des Kézégarés, enfin, où l'œuvre principale, c'est d'une part, je dirais, une foi quand même ardente, et d'autre part, un rationalisme qui ne veut céder sur rien. Et évidemment, aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, on a plutôt l'impression que ou on est du côté de la foi, ou on est du côté de la raison. Et là, on a l'impression que les deux se confortent l'un l'autre. À la limite, en vérité, c'est un des apports quand même de Maïmonide et de Leibowitz. Je ne sais plus qui est qui là-dedans. Dans mon esprit, ils sont difficiles. Ils sont devenus difficiles à se distinguer. La croyance en Dieu, dit-il, n'a jamais été facile. On dit aujourd'hui, c'est difficile de croire en Dieu. Il ajoute, mais ça n'a jamais été vrai. On y croyait comme ça, par tradition. Mais la vraie foi n'a jamais été le fait de quelques hommes exceptionnels. Toujours. Il n'y a jamais eu beaucoup de croyants, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit dans l'Antiquité. Et la plus belle, ce qui donne, exemplifie cette position, c'est Job. Le livre de Job, où Job dit à la fin « Bah, jusque-là, je croyais en toi, parce que, bon, j'avais entendu parler par la tradition, par les amis, par les parents. Mais à partir de ce moment, je crois vraiment parce que je t'ai rencontré. Cette foi véritable est exceptionnelle. Elle a toujours été exceptionnelle. Et c'est cette foi qui sert d'appui à la raison. La raison... Alors, chez Leibowitz, par exemple, il y a une phrase assez... Moi, un jour, j'avais dit « Mais Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui pourraient faire penser à des preuves d'existence de Dieu ? Il m'a dit, renoncer à cette idée, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu. Croire en Dieu, c'est un choix, c'est une valeur, et c'est absolument gratuit. Ça relève de la liberté de l'homme, à laquelle rien ne vous oblige. D'où, en même temps, une grande tolérance, puisque c'est donné qu'à peu de gens. Et aujourd'hui, on a souvent une conception du judaïsme assez frelatée, assez magique, kabbalistique, contre laquelle Leibowitz s'était violemment opposé, malgré sa connaissance approfondie des textes kabbalistiques. Vous savez, bon, on peut vivre en faisant abstraction de ces contradictions internes. Enfin, il y a un niveau de contradiction qui rend la vie difficile. Et moi, j'aime bien vivre selon ce que je pense. Penser une chose et vivre d'une autre façon, j'ai jamais pu. Il y en a qui peuvent, beaucoup, la plupart. C'est pas mon cas, c'est pas le cas de Leibowitz, ça devait pas être le cas de Maïmonide. Je ne veux pas me comparer à eux. Enfin, je suis dans cette famille, quoi. Je suis les petits, ils sont les géants, bon. Par exemple, le sionisme. On peut pas être sioniste à Paris. Ça n'a pas de sens. Moi, quand j'étais sioniste, je suis né en Israël. Leibowitz était sioniste, il vivait en Israël. Tous ces gens qui approuvent tout et rien de ce que fait le gouvernement israélien à Paris, c'est ridicule. Et ce sont des intellectuels qui ont pignon sur rue, qui nous bassinent toute la journée dans les télévisions, on ne voit qu'eux. Et avec Leibowitz, j'ai appris ça quand même, qu'un vrai intellectuel, c'est quelqu'un qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense. Et qui vit comme il pense. Et donc, c'est ce que ça m'a apporté, cette rencontre. Une référence que c'est possible de vivre ainsi, quoi. Elohim, quand je l'ai vu, je l'ai rencontré la première fois, j'étais quand même, je dois dire... plutôt un petit un juif chauvin. Les Palestiniens, c'est eux qui ont tort, ils sont terroristes, c'est des affreux bons hommes, et bon, c'est leur faute. Et regardez comment ils vivent, etc. Et cette humanité du Palestinien, de l'Arabe, je l'ai retrouvée grâce à ce parcours intellectuel avec Leibowitz et Maïmonide, ce qui m'a amené d'ailleurs à me réconcilier avec mon pays natal, la Tunisie, que j'aime beaucoup et où je vais fréquemment. Curieusement, c'est la rencontre intellectuelle de Leibowitz qui a contribué à cela. Je crée la nuit. Gérard Haddad, vous faisiez allusion au livre de Job, et aussi bien chez Leibowitz que chez son maître Maïmonide, on a l'impression qu'il y a quelque chose de Job qui passe, c'est-à-dire cette altérité, je dirais, radicale du divin. On sait très bien à la fin la manière dont Dieu apparaît à Job en disant « De toute façon, tu ne comprendras jamais rien à moi. » Et où Job finit par admettre qu'effectivement, il n'a qu'à s'incliner devant Dieu. Et est-ce que cette altérité ne suppose pas, enfin, la reconnaissance de cette altérité ne suppose pas que précisément on ne renonce pas à la raison, mais que beaucoup plus on aille au-delà de la raison, ce qui n'est pas la même chose. C'est ça, oui. D'abord, il faut signaler que pour Leibowitz, et comme pour Maïmonide, le livre de Job, ainsi d'ailleurs qu'un autre livre d'Ecclésiaste, qui passe pour un livre de scepticisme, avec trois autres livres, ce sont les fondements de la foi juive, de la foi monothéiste, si vous voulez. Curieusement, l'Ecclésiaste, on dit « Ah, c'est du scepticisme, en vérité, c'est la vraie foi ». Donc dans le livre de Job, effectivement, il y a ce questionnement. D'abord, il y a... Leibowitz a fait une chose assez extraordinaire. Il a trouvé un verset dans Job qui est pratiquement identique dans le livre d'Antigone de Sophocle. Tous les deux s'extasient à mon avis en disant « Quelle merveille que l'homme !» Bon, à partir de là, on voit l'homme grec qui s'interroge sur le malheur de l'homme, et l'homme biblique, parce que Job n'était pas juif, d'après la tradition juive, et l'homme biblique qui lui aussi s'interroge sur le malheur de l'homme. Pour l'homme biblique, quelle est l'origine de nos souffrances mentales ? C'est l'absurdité du monde. C'est qu'on se demande pourquoi ce cirque, pourquoi cette création, pourquoi tout ça. Et c'est ça la revendication de Job. Quel est le sens de ton cirque, parlant à Dieu, quoi. Et à la fin, Dieu lui dit, c'est à prendre ou à laisser. Et ça, si vous voulez, ça fait objection à certaines positions des psychanalystes, comme mon maître Lacan, qui disait la religion, c'est le sens. La religion, c'est ce qui donne du sens. Eh ben non. Les grands croyants, c'était des gens du non-sens. C'était des hommes qui s'étaient affrontés au non-sens. Et ça, ça a été pour moi un apport énorme. De la même façon, une autre position de Lacan, que je trouvais un peu ridicule, c'était cette idée que le Dieu juif, le Dieu de la Bible, était un Dieu interventionniste. Il intervient dans l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire. Et j'ouvre les Leibowitz, qu'est-ce que je trouve ? Jamais de la vie, Dieu n'intervient pas dans l'histoire. Il a donné à l'homme sa liberté. Les saloperies qui se font dans ce monde, ce sont nous qui les faisons. Et qu'on arrête, voilà. Toute une série de thèses que j'avais héritées, si vous voulez, de la psychanalyse, se sont trouvées contredites par ce témoignage de ce grand penseur, pour moi le plus grand penseur juif du XXe siècle, mais qui n'ait jamais écrit un traité, quelque chose de... Mais les problèmes brûlants auxquels on est confronté, politiques, philosophiques, éthiques, c'est Leibowitz qui les a traités, non pas d'autres éminents penseurs qui ont plus de succès que lui. Gérard Haddad, lorsqu'on prend connaissance de la pensée de Leibowitz, on est frappé évidemment par un thème qui semble essentiel, qui est celui de la liberté fondamentale, je dirais radicale même, de l'homme. Et évidemment, moi je ne peux pas m'empêcher de penser au livre de la Genèse, dans lequel on voit Dieu créer le monde, dire tous les soirs, trouver que son œuvre est bonne en quelque sorte, et on s'aperçoit que trouver son œuvre est bonne lorsqu'il fabrique l'homme, là tout à coup nous n'avons pas cette mention, comme si l'homme précisément n'était pas uniquement dans la main de Dieu, qu'il avait à se déterminer par sa propre volonté, par son propre choix en fin de compte. Oui, alors cette histoire du libre arbitre, qui est un des grands problèmes de la philosophie insoluble, n'est-ce pas, il faut d'abord dire que le judaïsme ne prône pas ne pense pas. C'est pas dans les dogmes, c'est pas dans les fondements du judaïsme que poser la liberté de l'homme. Il y a des grands penseurs juifs comme Kreskas, par exemple, qui croyaient pas du tout, qui croyaient que l'homme était déterminé par Dieu. Bon. Comme dans l'islam, les acharites pensent également. Donc il y a plusieurs courants, n'est-ce pas, de pensée dans le judaïsme, antagoniques violemment. C'est la position de Maïmonide. Maïmonide, lui, a été le théoricien de la liberté absolue de l'homme. C'est un penseur du libre arbitre. Et pour le démontrer, il s'est donné beaucoup de mal, pour argumenter en tout cas. Position qui va être critiquée, bien sûr, par la suite par Chasda et Kreskas. Et dans le livre récemment traduit là, de Leibowitz, qui s'appelle Les fondements du judaïsme, Leibowitz reprend le parcours par lequel Maïmonide fonde, très difficile de démontrer ou de montrer la liberté de l'homme, tout en citant d'autres penseurs comme Spinoza, pour qui Leibowitz, bien qu'un juif pratiquant, avait le plus grand intérêt, il le cite souvent. Et donc c'est une position d'un certain courant, Il n'y a aucune référence dans la Bible sur la liberté de l'homme. Il y a beaucoup de versets que l'on peut invoquer, mais Leibowitz les récuse tous. Par exemple, il y a ce verset dans le Deutéronome, je crois, qui dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, et tu choisiras le bien. » Mais il dit on a d'autres versets qui contredisent celui-là. C'est donc même croire en la liberté de l'homme relève du libre arbitre de l'homme, et que tous les penseurs... Ceci dit, si vous vous retirez de la notion de libre arbitre, il est bien évident que le support de l'éthique est drôlement miné. Si nous sommes déterminés, comme ça, dans la main de Dieu, c'est lui, nous sommes les marionnettes de Dieu, notre dignité en prend un sale coup, et puis notre responsabilité également. Ce sont des problèmes insolubles, mais en même temps qu'ils sont insolubles, il faut se coltiner avec. Il faut au moins y avoir réfléchi sérieusement une fois dans sa vie, quoi. Et rester dans un indécidable, souvent, à la fin de cette réflexion. Oui, mais alors précisément, lorsqu'on est dans cet indécidable, est-ce que ce n'est pas là qu'intervient ce qu'on peut appeler l'acte de foi, c'est-à-dire d'une certaine manière la liberté suprême? Tout à fait. C'est indécidable d'ailleurs dans l'œuvre de Maïmonide, on le retrouve à plusieurs niveaux, par exemple au niveau de la création du monde. Bon, vous savez qu'il y a deux positions, celle d'Aristote qui pensait à l'éternité du monde. Et Maïmonide va essayer pendant des pages et des pages de montrer si Dieu a créé le monde. Et à la fin, il arrive à dire on ne peut pas le démontrer. La position d'Aristote est aussi défendable que celle de la création. Je rappelle que Lacan et d'autres avant lui, Coiré par exemple, avaient dit « Sans ce dogme de la création, la science moderne ne serait jamais venue au monde. » Eh bien, à la fin, Maïmonide va dire « C'est indécidable. J'opte parfois au postulat de création. » Mais il a fallu faire tout un long parcours de mise en question des dogmes et de ce que le vulgaire admet couramment. Il y a un décrassage des conceptions admises qui est assez extraordinaire. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Gérard Haddad, il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant, puisque vous rappeliez la position traditionnelle de Lacan, d'ailleurs, disant dès qu'il y a du sens, c'est du religieux. Mais évidemment, il s'agirait de s'entendre en même temps sur cette notion de que veut dire le religieux. Est-ce que Leibovitch ne vous a pas permis de revisiter la conception du religieux, puisque vous dites les grands religieux, les grands croyants, finalement, ont le non-sens. Et s'il y a une altérité radicale, effectivement, d'une certaine manière, il n'y a pas de sens à la vie, ou il n'y a que de l'au-delà du sens, d'une certaine manière. Est-ce que Leibovitch ne vous a pas permis de dépasser, finalement, une vulgate lacanienne? Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. C'est ce que j'appelle la synthèse. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le marasme dans lequel Lacan nous a laissé une certaine... Il y avait chez Lacan à la fois des ouvertures magnifiques. Il m'a apporté, sans lui, je ne sais pas, je reconnais tous les jours ma dette à son égard. Et en même temps, il y a dans son œuvre des points d'arrêt qui nous débilisent un petit peu, quoi. Hein. Poser le religieux comme étant le sens, par exemple, répéter ça. Alors vous avez tous les épigones qui répètent ça, alors, sans avoir tout le bagage de Lacan en plus. Bon. Mais ça bloquait la pensée. Alors, revisiter le religieux, c'est... D'abord, chez Leibovitch, les grands croyants ne sont pas des juifs, forcément. Les grands croyants, c'est des grands croyants. Bon. Ils sont très, très peu. Et il faut signaler quand même que leur rôle politique dans le XXe siècle a été considérable. Ça, on l'oublie, ça. Ce qui a fait buter au communisme, au totalitarisme stalinien, quelle que soit l'évolution qu'il ait connue par la suite, ça a quand même été la figure d'un grand croyant russe, Soljenitsyn. On l'oublie aujourd'hui parce que, bon, en Israël, le seul qui s'est élevé contre la politique désastreuse israélienne, c'est un grand croyant, c'est Leibovitz. C'est étrange de dire comment le point de butée est venu de ces gens-là et pas des soi-disant esprits affranchis. La position d'un Sartre, par exemple. Bon, je ne veux pas insister là-dessus, mais enfin, dont on nous fait aujourd'hui tant d'éloges, qui, quelques années avant l'effondrement du communisme, disait que c'était l'horizon indépassable. Bon, donc, je suis admiratif. Personnellement, je ne suis pas un grand croyant, peut-être même pas un croyant du tout. Mais j'ai découvert une dimension de l'homme qui est fascinante et qui est au-delà. Voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter là-dessus. Mais est-ce que, d'une certaine manière, à travers ces considérations, Gérard Haddad, on ne retrouve pas quelque chose de Lacan aussi, c'est-à-dire les considérations de Lacan sur ce qu'il appelle, enfin, reprenant le terme à Georges Bataille, sur ce qu'il appelle l'immonde, ce qu'on comprend mal, généralement, parce que l'immonde, ce n'est pas l'immonde en tant que l'immondice, c'est plutôt le non-monde, c'est-à-dire découvrir qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une altérité, je reprends les mots de tout à l'heure, d'une altérité radicale qui nous assure précisément toute notre liberté. Oui, certainement, oui. Cette altérité radicale, elle est de l'ordre de l'impensable. Quand j'essaie de penser ce que nous dit Maïmonide, je n'arrive pas. Sa notion à corporéité de Dieu, par exemple, cette théologie négative qui est le centre de sa pensée, vraiment, si vous essayez d'être clair avec vous-même, vous n'y arrivez pas. Parce que nous sommes trop collés à... Nous ne pouvons pas nous représenter quoi que ce soit, dit-il, si ça n'a pas un corps. Problème que le christianisme a résolu pour son compte. Eh bien, le judaïsme, lui, se maintient dans cette ligne de crête impensable qu'il existe quelque chose qui est plus important que tout le reste et qui n'a pas de corps. Alors c'est quoi? Quelle existence ça peut avoir, cette chose qu'on appelle Dieu? Donc cette radicalité totale, c'est quelque chose qu'on approche très difficilement. Mais dans ce chemin, au fond, cette radicalité, on peut lui donner un autre nom, c'est le nom de la vérité. Et ce chemin vers la vérité est très périlleux, est très semé d'embûches. Et c'est pour ça que Aristote, chez Maïmonide, est si important. La raison, la logique n'est pas une fin en soi. Elle est un instrument pour éviter de prendre des vessies pour des lanternes. Et au bout de ce chemin, il y a quelque chose d'autre, dit-il. Mais alors, il faut arriver. Bon, très peu y arrivent, bien évidemment. Personnellement, je sais que je n'y arriverai jamais. Mais on peut entrevoir de loin. Ça suffit déjà pas mal d'entrevoir qu'il y a une autre dimension. Évidemment, il y a quelque chose qui interroge beaucoup chez Leibovitch, encore que peut-être que c'est parfaitement normal. C'est qu'on voit très bien quand même toute l'importance qu'il accorde à la Torah, finalement, à ce que dans la tradition chrétienne on appelle les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et il y voit, je dirais, quand même le cœur même de la foi judaïque. Oui, alors la Torah a un autre sens dans le monde juif. Alors c'est un mot bizarre parce que il veut dire plusieurs choses à la fois. Il veut dire effectivement les cinq livres de Moïse, mais il veut dire également le Talmud, puisqu'il y a deux, la Torah chez Béalpé, la Torah orale, la Torah écrite. Mais même au-delà de ça, la Torah, c'est quoi? C'est plus... On en arrive à dématérialiser la Torah, elle aussi. La Torah, c'est la réflexion sur Dieu, sur le rapport de l'homme à Dieu. C'est ça, la Torah. C'est cette méditation sur le destin de l'homme. Passer quelques temps par jour à méditer, c'est ça la Torah. Alors, il y a des supports scripturaires, le Talmud essentiellement, mais aussi donc le Pentateuque, mais également toute la Bible. Mais pensez quand même qu'au-delà de tous ces supports matériels qui sont nécessaires, c'est autre chose, c'est cette méditation sur nous-mêmes, sur nos fins dernières, et sur ce face-à-face de l'homme et du mystère dernier, de l'homme et de l'altérité dont vous parliez tout à l'heure. Mais lorsqu'on pense à cette altérité, cette différence radicale, si on peut dire, d'avec Dieu, Gérard Haddad, est-ce que nous ne sommes pas amenés, c'est l'impression que j'ai avec en prenant connaissance de Leibovitch, est-ce que nous ne sommes pas amenés à nous dire que précisément dans la mesure où nous ne comprenons pas, nous sommes sans arrêt obligés de nous expliquer? Et de nous expliquer, au sens de nous expliquer à nous-mêmes, mais en même temps de nous expliquer avec, si l'on peut dire. C'est-à-dire que finalement, on retrouve cette tradition judaïque du commentaire, c'est-à-dire le commentaire et le commentaire du commentaire. On a l'impression que Leibovitch, c'est le commentaire moderne, d'une certaine manière. Parce que, en fin de compte, nous n'aurons jamais compris et nous n'en aurons jamais fini de méditer sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Nous n'aurons jamais fini, c'est ce qui donne. Alors là, du coup. D'ailleurs, il y a une phrase assez qu'il aimait bien répéter, c'est une phrase de Lessing. Lessing disait, Leibowitz adorait cette phrase, il en a fait une maxime de vie pratiquement. Lessing avait écrit un jour, si Dieu me dit, j'ai dans la main droite la vérité, les fins dernières des choses, et dans la main gauche, le chemin, le combat, la réflexion, etc., pour arriver à cette vérité, qu'est-ce que tu choisis, toi, Lessing ? Et Lessing répondait, ce que tu as dans la main gauche. La vérité ne m'intéresse pas, à la limite. Ce qui m'intéresse, c'est le cheminement vers la vérité, ce combat quotidien contre la connerie, contre l'injustice. Tout ça, c'est ce chemin qui compte. Donc, ce que vous appelez le commentaire du commentaire, ça peut paraître péjoratif, mais un peu négatif. En vérité, c'est ce cheminement qui est l'essence de l'homme. Et donc, ça se traduit par le commentaire. C'est plutôt, d'ailleurs, du renouvellement permanent, renouveler, se mettre, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on doit se mettre à jour, chaque jour, avec soi-même et avec ce qu'on croit. Mais alors, évidemment, Gérard Haddad, dans cette découverte que vous faites de Leibowitz, vous nous en avez déjà donné quelques indices, mais on a quand même envie de vous poser la question, sortant d'une cure, puisque c'est le mot qui est admis, sortant d'une cure lacanienne et avec Lacan personnellement, on a l'impression quand même que, je dirais d'une certaine manière, il y a, des antagonismes entre la pensée de Lacan et celle de Leibowitz. Je dirais pas ça, moi, personnellement. Je dirais, prenons Lacan, la grandeur de Lacan, c'est quoi ? Enfin, tel que je le conçois. Hein. La grandeur de Lacan, ça a été de nous montrer la grandeur de Freud, de montrer que cette œuvre de Freud, qui était un peu devenue un peu une espèce de vulgate, une espèce de bouillie, quoi, hein, intellectuelle, il en a montré la complexité, il en a montré la richesse, les ouvertures, etc. Mais en même temps, il en a montré les limites. Dans ce même mouvement de déploiement de l'œuvre de Freud, il en montrait les limites, les impasses, et lui-même a été au-delà, sur certains points, de cette pensée. Par exemple, quand il dit « Totem et tabou » est une œuvre névrotique, et que ça ne tient pas la route. Bon. Si vous voulez, modestement, je fais un peu la même chose avec Lacan. D'une part, je ne peux que souligner, que montrer, que reconnaître tout ce que Lacan a ouvert, tout ce que Lacan nous a apporté, personnellement m'a apporté, mais en même temps, et je crois que c'est ça la démarche intellectuelle, je dirais élémentaire, c'est de repérer quand même dans cette pensée certaines limites, certains points aveugles, et d'aller au-delà, faire un petit pas. Vous connaissez la phrase célèbre, un nain sur les épaules d'un géant voit plus loin que le géant. Alors voilà, moi, on peut dire, allez, je suis un nain sur les épaules du géant et je peux voir deux pas plus loin. Donc, il n'y a pas contradiction, il y a, sur certains points, certains dépassements. Et voilà, je pense que la vie intellectuelle... L'ennui aujourd'hui avec la psychanalyse d'aujourd'hui et avec le lacanisme, c'est qu'on ne repère pas les limites de Lacan. Ou bien on le rejette, ce qui est une ânerie, ou bien... on le répète dans un psittacisme sans fin, voire l'ignorer même, ce qui est souvent le cas aussi. Et donc Leibowitz m'a permis de franchir un peu certains des points d'arrêt qui sont la cause du marasme, à mon avis, de l'institution lacanienne aujourd'hui. Vous parliez d'une parole quasiment prophétique, genre même d'une parole prophétique, oui. Gérard Haddad. Et évidemment, surtout dans la mesure où vous êtes psychanalyste, on s'interroge sur quand même que signifie exactement la parole. Parce que la parole, pour nous, soit on a le sens grec, le logos, oui. Qui a à voir précisément avec l'ordre quand même du rationnel et de l'analytique au sens tout à fait traditionnel de ce mot, soit on a plutôt le davar hébreu. C'est-à-dire une sorte de, je dirais, de jaillissement de feu venu d'outre-monde, d'une certaine manière. Et on a l'impression que, pour Leibovitch, c'est plutôt à cela que vous faites allusion. Oui, c'est certainement à cela. Je ne sais pas si c'est le davar, la mila, la parole. Bon, la parole prophétique n'est pas une parole annonciatrice, comme chacun le sait. Enfin bon, devrait savoir. La parole prophétique, c'est une parole qui dit la vérité du moment présent, qui dit ce qu'à ce moment-là devrait être fait. Le prophète, il dit, aujourd'hui, vous devriez libérer vos esclaves, vous devrez donner la liberté à vos opprimés, vous devrez couvrir le pauvre, donner à manger à l'affamé. C'est ça, la parole prophétique, mais dit d'une certaine façon. Bon. Voilà, donc, c'était une parole. Voilà, j'avais rencontré une parole prophétique qui ne s'est jamais démentie. Ajouter à ça une vie tout à fait conforme, cet ascétisme. Cet homme était très riche au départ. Et j'ai rencontré, vivant dans cette espèce de dénuement, dans son petit appartement très humble de Jérusalem, c'était aussi ça allait avec le reste. Quoi. Tel que vous définissez la parole prophétique, Gérard Haddad, est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, c'est une parole qui témoigne du réel, en mettant un grand R majuscule à réel, qui témoigne du réel dans la réalité telle que nous la connaissons. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Une parole prophétique, c'est une parole du réel, qui pointe le réel, voilà. C'est tout à fait juste, ce que vous dites là. J'aurais pas pensé comme ça, mais vous avez mis dans le mille. Et voilà, oui. À un moment précis, c'était le réel, voilà. Tu le vois pas, mais moi, je le montre du doigt. Alors, si on est idiot, on voit le doigt, comme diraient les Chinois. Mais si on n'est pas trop idiot, on voit le truc qui est désigné par le doigt. La psychanalyse de Gérard Haddad, parce que je crois qu'il y a là un problème véritablement intéressant, je dirais, on a souvent dit qu'il y avait eu un moment freudien, puis on a dit qu'il y a eu un moment lacanien. Si je comprends bien, vous considérez qu'il doit y avoir un troisième moment, qui ne remet pas du tout en cause les fondateurs, puisque chacun quand même travaille, je dirais, professe par rapport à son temps, par rapport en même temps aux connaissances de son temps et à son inscription dans son temps. Et vous considéreriez qu'il doit y avoir un troisième moment qui est à inventer pour chacun. Je pense que des gens comme Freud, des gens comme Lacan, comme Leibovitz sont des hommes de vérité. Et ils ont leurs erreurs, leurs trébuchements, etc. Et donc, vous savez, il y a dans l'histoire humaine des surgissements comme ça d'hommes de vérité. Et tous ces gens-là, il y a une harmonie entre eux. Ça, ils ne se contredisent pas tant que ça. Et si vous lisez, Leibovitz n'aimait pas la psychanalyse officiellement. Mais quand vous le lisez, il avait lu Freud, c'est sûr. Quand il dit, par exemple, certains commentaires sur la Bible, et il dit Jacob a commis un lapsus freudien. Ça lui vient spontanément comme ça. Et donc, tout ça fait partie aujourd'hui du terreau culturel dans lequel nous sommes. Il s'agit de maintenir un peu vivant cet héritage. C'est le but. Alors, y a-t-il un moment? Oui, c'est ça, il y a un moment à inventer pour chacun, qui fasse un peu une synthèse, une harmonisation de ce qu'on a reçu et de ce qu'on a un peu trafiqué nous-mêmes, qu'on réfléchit et de ce qu'on peut ouvrir pour les générations à venir. Mais est-ce que d'une certaine manière, Gérard Haddad, on ne pourrait pas dire que la psychanalyse en tant que telle a à voir avec le monothéisme, que sans le monothéisme, je dirais, il n'y aurait pas de psychanalyse. Et il est très frappant, il me semble, que lorsqu'on relit l'œuvre de Freud, on voit quand même qu'elle est parcourue, je dirais, souvent de reprises implicites de thèmes chrétiens. On a l'impression que Lacan remonte, même imparfaitement, mais remonte vers le judaïsme, et que d'une certaine manière, ce que vous voudriez faire, c'est achever le mouvement. Ce serait un peu... Mais d'ailleurs, Lacan va plus loin que ce que vous dites, puisqu'il dit « La science tout entière n'aurait pas existé sans monothéisme. » La science tout entière. Et comme la psychanalyse est une enfant de la science, même si ce n'est pas forcément une science, et s'il n'y avait pas eu de science, il n'y aurait pas de psychanalyse. Bon, le psychanalyse s'occupe que du sujet de la science. Donc, c'est plus vaste que ça. Bon. Moi, je crois que je maintiens les choses un peu à mon niveau, quoi. C'est ce que je fais. J'essaie de maintenir. Moi, j'ai connu des hommes merveilleux, parce que Lacan était un homme merveilleux. C'était un homme qui était dans sa profession, dans son engagement total, dans sa discipline. J'ai connu des gens comme Leibovitz, qui était un homme absolument merveilleux. J'ai une chance inouïe dans la vie. Mais les chances, je crois que tout le monde peut les avoir. Il faut les saisir quand elles viennent. Moi, quand j'ai rencontré Leibovitz, quand j'ai rencontré Lacan, j'ai dit, c'est avec lui que je fais le truc. J'ai pas été, ah oui, c'est un peu cher. Tout ça. Non, allez, paf, je joue. Carte sur table, tapis. Je fais tapis, comme au poker. Quand j'ai rencontré Leibovitz, j'ai fait tapis aussi. Ça veut dire quoi, j'ai fait tapis? C'est-à-dire, je me suis consacré à le traduire une bonne partie de mon temps. Donc, moi, je suis un joueur de poker, un peu quelque part. Quand je rencontre un personnage de cette envergure, tapis, allez, on joue la partie. Je veux voir. Je vois. J'ai jamais, et ce qui est curieux, c'est que j'ai jamais perdu. Chance. Leibovitz et Jaradad, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui, d'une certaine manière, justement, et c'est sans aucun doute une de ses grandes leçons, même pour des non-juifs, je dirais, c'est que dès qu'on est aux abords de la vérité, ou des reflets de la vérité, ou des témoignages de la vérité, je ne sais pas comment il faut dire, mais je veux dire, on ne peut pas tricher et on ne peut pas transiger. Si vous trichez, c'est fini, vous avez la vérité. Bon, on peut faire une petite allégorie comme ça. La vérité, c'est une femme. Vous ne pouvez pas faire d'adultère avec elle. Si vous la trompez une fois, c'est fini pour vous. Terminé. Elle ne vient plus vous visiter. Bon. Et moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est l'état de la psychanalyse et des psychanalystes et des institutions. Eux, la vérité, apparemment, ils ne couchent plus avec elle. Hein. Alors elle est partie ailleurs, je ne sais pas où. Peut-être qu'elle va ressurgir un jour ou l'autre par d'autres biais. Donc, voilà. Comment je vois les choses. Avec la vérité, on ne peut pas tricher, en principe. Sinon, c'est fini, quoi. D'une certaine façon, Jaradad, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'une des phrases fameuses de Lacan qui disait que être psychanalyste, d'une certaine façon, c'était être dans l'ordre de la sainteté, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en réalité, on est tout le temps confronté à l'impossible. Et est-ce que ce n'est pas... Et il me semble quand même qu'il y a quelque chose de ça chez Leibovitz. Il n'y a que l'impossible qui soit intéressant dans la vie. C'était sa maxime. C'est sa maxime qui, d'ailleurs, il avait deux maximes, on en a cité une de Lessing tout à l'heure. Il en avait une autre, celle de Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'était sa maxime, c'est-à-dire l'impossible, quoi. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et toute la pensée de Leibovitz est fondée là-dessus, quoi. C'est l'impossible qui est intéressant. Et c'est vers lui qu'il faut tendre. Donc toute la vie de l'homme, c'est cette tension vers des choses qui sont impossibles, mais qui sont nécessaires en même temps. Et est-ce que cela ne veut pas dire en même temps, Jaradad, qu'il y a comme une sorte de trou ou de béance au centre même de notre vie, et que sans ce trou ou sans cette béance, en fin de compte, nous ne ferions que semblant de vivre? Tout à fait, oui. C'est une pensée aussi, disons-le, qui se rapproche beaucoup de celle de Wittgenstein, du traité. Tout ce qui est dans ce monde n'a pas beaucoup de valeur. Et les choses qui ont de la valeur sont hors de ce monde. On ne peut pas les atteindre, mais il faut tendre vers elles. C'est ce que vous appelez ce trou-là. Oui. Cette notion de trou est au cœur de la pensée de Lacan. Vous voyez comment ces gens se rejoignent, quoi. Cette tension vers ce trou, c'est ce qu'on appelle le désir, au fond. C'est le désir. Sans le désir, bon, on ferme la boutique, on s'en va, quoi. C'est ce que dit, au fond, Dieu à Job. Il lui dit, si tu désires plus, bah, salut. Tu peux te retirer du monde. Voilà. Oui, mais alors, précisément par rapport à cette question, j'aimerais revenir au livre de Job, parce qu'il me semble absolument central. C'est que je pense à l'apparition de Yahweh à la fin du livre, lorsqu'il dit, vous savez, j'ai créé le Léviathan, etc. Que peux-tu comprendre, pauvre larve, d'une certaine manière? Mais comment fait-on pour désirer l'impossible? Je ne crois pas qu'ils lui disent pauvre larve. Hein. Enfin, c'est quand même un truc inouï d'ailleurs qu'un homme, parce que le livre de Job a été écrit par quelqu'un. C'est pas un ovni qui nous est tombé du ciel. Qu'un homme ait osé écrire ça, faire parler Dieu, il fallait avoir un sacré culot, que l'homme biblique semble ne pas en être dépourvu du culot. La question de Job, n'est-ce pas, c'est il doit y avoir un sens à cette création. Et au fond, ce que lui dit Dieu, c'est tu ne sais pas poser les problèmes. Tu ne poses pas bien le problème. Et tu es resté dans ton imaginaire, au fond. Maïmonide a une chose très belle sur l'imaginaire, où il dit le péché originel n'a pas rendu l'homme intelligent, ça l'a rendu un peu bête. Le péché originel, enfin l'histoire de la pomme, enfin de la consommation du fruit, etc. Ça a fait que l'homme s'est paumé dans son imaginaire. C'est ce que dit Maïmonide. Et nous sommes trop englués dans cet imaginaire. Mais quand Dieu montre quand même à Job, il lui montre le monde, il dit, regarde, je te vais te montrer la gazelle dans le désert, l'hippopotame dans le Nil, le soleil qui se couche et se lève, cette merveille absolue du monde, cette beauté du monde, eh bien, ça suffit pour Job. Quand il voit la beauté du monde, oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Le parcours que nous avons, ça vaut la peine. C'est ça, au fond, que Dieu enseigne. Il ne dit pas, petite larve, tu ne comprends rien. Il dit, mais regarde donc, ouvre tes yeux, les yeux de ton intellect, pas de ton imaginaire. Regarde, comme c'est beau tout ça. Ça ne te suffit pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et Job dit, maintenant je te connais. Et je suis apaisé, et la vie repart. C'est très beau tout ça. Qui est-ce qui oserait écrire des choses comme ça aujourd'hui? Ce qui est assez étonnant à Gérardat, c'est que là aussi, à la fin du livre de Job, on voit bien Job déclarant un moment « Je mets ma main devant ma bouche », comme si, d'une certaine manière, justement, il ne pouvait rien dire de ce qui est Dieu en lui-même. Et est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas aussi, peut-être parce qu'il faut aussi avoir exercé la parole jusqu'au bout, mais l'ayant exercé, il y a un moment où on entre dans le silence. Ben, c'est un peu, oui, ça rejoint la théologie négative. Il y a un moment où... C'est une drôle d'histoire, c'est une sorte de théologie négative reprise par Maïmonide, qui n'est pas de lui, mais que lui-même a développé. C'est qu'il dit, on s'approche de Dieu, plus on multiplie les négations, plus on s'approche de lui. Je signale d'ailleurs que Lacan, la notion de théologie négative, je la sors de chez Lacan, moi. Il avait une grande admiration pour cette théologie. Et lui-même, toute sa pensée est pleine de signes moins. Moins fi, moins... Tout est dans le négatif chez lui. Donc il y a une inspiration très nette de ce côté... théologie apophatique négative. Quoi. À un moment donné, effectivement, il faut arriver au point où, effectivement, se taire. Livre. Afin de continuer d'une certaine manière la réflexion de Gérard Haddad, j'aimerais signaler d'abord, dans les livres de cette semaine, le petit essai « La prière du serpent » de Dominique Bertrand aux éditions Signatura. Il s'agit d'une réflexion sur le livre de l'Exode et particulièrement sur les premiers chapitres de la Genèse. La prière du serpent, bien entendu, c'est le serpent dans le jardin d'Éden dont il s'agit ici, et où, d'une certaine façon, Dominique Bertrand, qui essaie de pénétrer le plus en profondeur dans la pensée judaïque applique à ces textes ce que l'on faisait d'une manière tout à fait normale au Moyen-Âge, c'est-à-dire au-delà de la lecture littérale, une lecture allégorique et d'une certaine façon une lecture anagogique. Et on voit très bien comment, s'appuyant sur la Mishnah, s'appuyant sur toute la tradition judaïque, sur toute la tradition rabbinique d'une certaine manière, il essaie de trouver, c'est d'ailleurs le sous-titre de son livre, quelle est la voie de la Bible. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la manière dont Maïmonide classe les rêves et la manière la plus haute des rêves qui renvoie, bien entendu, à la déclaration de celui dont on ne peut prononcer le nom à Moïse, comment il s'agit de regarder la voix et d'entendre les images. Nous avons appris que l'homme est né de l'écho d'une voix revenant sur elle-même, emportant avec elle toutes les formes de la création dans son élan cosmique, et qu'au cœur de cet élan radieux, l'homme est un trou de mémoire, réversible en mémoire du trou. Et puisque je parle de ce Dieu qui est vide, de ce Dieu que rien ne peut nommer, auquel faisait déjà allusion Gérard Haddad à travers l'œuvre de Leibovitch, mais qui est celle de toute la tradition de la réflexion de l'Israël antique et de l'Israël tel qu'il s'est poursuivi à travers les âges, je voudrais, évidemment dans un horizon chrétien, mais je voudrais attirer l'attention sur la réédition aux éditions du Cerf de la vie de Moïse de Grégoire de Nice, l'un des trois grands-pères de Cappadoce. On s'en souviendra peut-être. Et les éditions du Cerf ont tenu à redonner ce texte dans la traduction de Jean Danielou, qui avait fait autorité pendant des années et des années. Et on voit très bien là, précisément, comment Grégoire de Nice, réfléchissant sur la montée au Sinaï de Moïse et s'interrogeant sur la nuée qu'il trouve sur le Sinaï, nous montre comment il faut dépasser cette nuée pour entrer dans ce qui est la ténèbre de Dieu, c'est-à-dire, nous avons là un acte de fondation de ce que plus tard on appellera la théologie négative, et où, d'une certaine manière, dans une aventure, dans une quête, dans un cheminement qui n'a jamais de fin, dans un désir sans fin, on retrouve quelque chose qui est de l'ordre de la huitième homélie sur le Cantique des Cantiques, du même Grégoire de Nice, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on va de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin, dans la mesure où le cœur de l'amour, c'est le désir, comme on peut dire que le cœur du désir, c'est l'amour. Ce qui n'est pas la vie n'est pas apte à communiquer la vie. De ce qu'il désire, tout s'accomplit pour Moïse, par là même que son désir demeure inassouvi. Et un petit peu dans la même perspective, je voudrais attirer l'intérêt sur la publication aux éditions Lessius du journal des motions intérieures d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, on le sait, c'est ce Basque qui a fondé la Compagnie de Jésus, et à travers la publication de son journal, qui s'étend du 2 février 1544 au 27 février 1545, donc sur une année, mais là ce sont les 26 feuillets autographes qui nous sont conservés, on voit très bien comment Ignace de Loyola, cherchant une inspiration divine pour en quelque sorte contresigner l'institution de la Compagnie de Jésus, va prendre sa décision et va la prendre dans le plus grand silence de Dieu. Comme si, d'une certaine façon, c'était le fait même que Dieu se retire, le fait que Dieu soit le grand absent, le fait que Dieu soit dans une altérité radicale qui l'oblige à sa liberté, qui l'oblige à sa véritable décision, et où, d'une certaine manière, il y a, à travers l'étude et le commentaire en même temps qui ajoute Pierre-Antoine Fabre, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste et historien de la spiritualité des jésuites, comment donc il y a là quelque chose qui fait que l'homme s'assure en tant qu'homme, précisément parce que d'une certaine manière, il est étalonné sur le silence primordial. Il me semblait encore que maintenant était meilleur, que chercher, ou tarder jusqu'à l'après-midi, était encore vouloir chercher, sans qu'il y ait de raison. Et je proposais ainsi devant Dieu notre Seigneur, mettant fin à ce point, de ne pas poursuivre plus avant la matière. Et dans cette ultime proposition, je tins pour conclu, sans chercher ni messe, ni aucune visite, mais à conclure ce jour. Tout est fini. Enfin, en prenant un peu le contre-pied d'une manière peut-être un peu subtile, un peu profonde, mais que l'on comprendra bien, en prenant peut-être un peu le contre-pied de ce qui était comme implicite dans les livres que je signalais jusqu'ici, je voudrais attirer l'attention sur la publication, en édition de poche, chez Flammarion, dans la collection Chant, du livre de Patrick Thorte, La fin du dogme paternel. Patrick Thorte est un psychanalyste, il était en même temps professeur et spécialiste de philosophie à l'université Paris 7, et il essaie de montrer comme le père, mot qu'il met généralement en italique, ou bien parfois entre guillemets, comme le père est une construction historique, et comment, d'une certaine manière, nous arrivons aujourd'hui dans un état de culture où la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, contrairement à ce que nous disent beaucoup de psychanalystes. De ce point de vue-là, évidemment, il s'inscrit complètement faux devant les thèses de quelqu'un comme Charles Mellman ou quelqu'un comme Jean-Pierre Lebrun, et de montrer que le père est précisément la manière dont la psychanalyse, d'une certaine façon, s'était construite à partir du monothéisme et à partir de la figure centrale du monothéisme, c'est-à-dire de ce père, de cet Abba que Jésus-Christ nomme si souvent dans les évangiles. Laissez venir à moi les petits-enfants. La question du père a prospéré dans le champ de l'analyse lacanienne d'enfants, version d'Olto, Manoni, etc. La liaison avec les religions du père était explicite chez d'Olto, pensée à l'évangile au risque de la psychanalyse. Les livres aujourd'hui. La prière du serpent de Dominique Bertrand aux éditions Signatura. Une réédition de la vie de Moïse de Grégoire de Nice aux éditions du Cerf dans une traduction de Jean Danielou. Journal des motions intérieures de Ignace de Loyola aux éditions Lessius. Et la fin du dogme paternel de Patrick Thorte en poche chez Flammarion dans la collection Chant. Steht aber immer der Wind. Auf dem Bäumele sitzt der Feigele, singt. Wo's da schlägst du mich, wo's betriebst du mich, Wind? Gib mir noch ein Wort, gib mir noch ein Lied. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Gérard Haddad. Recherche sonore Dominique Catrou, mixage Philippe Mercher, réalisation Isabelle Huel. Vous dans le schlägst mich, vous betriebst mich, Tint. Gib mir noch ein Wort, gib mir noch ein Lied, Kind. Bleib die kalte Nacht, treu die schwarze Nacht, Stimm. Läuft der weise Wind, heu der grue Winterin. Wo je schlurfst noch, wo je schweigst noch, Sinn. Kim zu mir mein Herz, kim zu mir mein Glück, Kim. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.